بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في الدرس 34 في شرح عمدة الأحكام on commence aujourd'hui le 34e cours dans l'explication de عمدة الأحكام ونستفيد اليوم من الحديث الرابع الذي ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. Aujourd'hui, on profite du quatrième hadith qu'a cité le Hafid عبد الغني المقدسي dans son livre. Il nous dit: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. سلم بن عباس رضي الله عنهما qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été ordonné de me prosterner sur quatre membres. Al-Jabha, donc le front. Il a dit le front et il a montré son nez. Et il a montré aussi son nez avec sa main. Ainsi que les deux mains. Les deux genoux et les bouts des pieds. Et les bouts des pieds. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, il est lié à la prosternation et comment celle-ci doit se faire, comme vous avez pu le constater. Et donc, le mot « as-sujud » dans la langue arabe, on l'utilise pour « al-khudu'a », l'humilité profonde. Et aussi pour le fait d'abaisser la tête et pour le fait de s'incliner et de saluer. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « wadkhulu al-baba sujjada » et rentrer par la porte « sujjada » c'est-à-dire « khadi'in » en toute humilité. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi: wa idha quri'a 'alayhim al-Qur'an la yasjudun. La yasjudun. Lorsque le Coran leur est récité, ils ne font pas sujoud. Ce qui est voulu ici, c'est pas ils ne se prosternent pas. Non. C'est ils ne sont pas humbles lorsqu'ils entendent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne se soumettent pas à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les plus grands signes de soumission, la prosternation. Le fait de se prosterner. والسجود من أبرز علامات العبودية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. Et la prosternation fait partie des plus grands signes de la servitude. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: le serviteur est plus proche de son seigneur lorsqu'il est prosterné. Lorsqu'il est prosterné. Wa dhalika li anna as-sujud fihi kamal at-tadhallul lillah ta'ala. Car il y a dans la prosternation le fait de se rabaisser parfaitement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne vas pas faire ça pour n'importe qui. Tu ne fais que pour Allah tabaraka wa ta'ala la prosternation. Wa fi hadha raddun ala man 'abada an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam umira bis-sujud. Il y a en cela une réplique faite à ceux qui vont adorer le prophète. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné de se prosterner pour son Seigneur. Fala yastahiqu al-ibada. Et donc il ne mérite pas d'être adoré. Kayfa na'budu man qama bi 'amalin huwa min abraz 'alamat al-'ubudiyya. Comment pouvons-nous adorer quelqu'un qui a accompli un acte qui fait partie des plus grands signes de la servitude? On ne peut pas adorer. وفي هذا رد ايضا على النصارى. Il y a aussi en cela une réplique aux chrétiens. فانهم ذكروا في الكتاب المقدس عندهم أن عيسى سجد لربه. Car ils ont cité dans la Bible que Isa s'est prosterné pour son Seigneur. ففي إنجيل ماركس 14 الآية 35 ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. Et donc, dans l'évangile de Marc, le chapitre 14, le verset 35, il est cité, puis il avança, donc, c'est-à-dire Jésus. Puis il avança, puis ayant fait quelques pas, excusez-moi, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui, c'est-à-dire la crucifixion prétendue. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. فهذا هو عيسى عندهم يقوم بهذه العبادة التي هي من أبرز علامات العبودية كما سبق و كذلك يقر بقدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير ويدعوه أن ينجيه من القتل كيف تعبدون من أقر على نفسه بالضعف والعجز والتذلل هذا مخالف للعقل الصحيح. Et donc voilà Isa ibn Maryam, donc selon eux, selon les chrétiens, dans leur propre livre, qui accomplit cet acte, qui fait partie des plus grands signes de la servitude, comme on l'a cité précédemment, et qui admet donc que Allah tabaraka wa ta'ala est le Tout-Puissant et qu'il est capable de toutes choses, il l'invoque de le sauver de la mort, d'être tué. Comment pouvez-vous adorer quelqu'un qui admet sa faiblesse, sa soumission? Ceci est contraire à la raison saine. Ceci est contraire à la raison saine. Wa fil hadith al-amru bis-sujud ala sab'ati a'dham. A'dham. Il y a dans le hadith le fait de se prosterner sur sept membres. Wal amru yufid al-wujub. L'ordre implique une obligation. Lidhalika dhahab al-imam Ahmed rahimahullah wa Shafi'i fi riwayatin lahu. Il a wujub al-sujud ala al-a'dha as-sab'a afwan. Et donc on dit que l'ordre implique une obligation, et dans ce hadith il y a un ordre. Voilà pourquoi l'imam Ahmed ainsi que Shafi'i rahimahum Allah, dans une narration donc pour Shafi'i, dans un de ses deux avis, il voit qu'il est obligatoire de se prosterner sur les sept membres. Wa dhahab al-jumhur, donc c'est-à-dire Al-Shafi'i aussi, la vie le plus connu de Shafi'i d'ailleurs, Abu Hanifa et Malik, ذهبوا إلى عدم الوجوب أي إلى وجوب السجود على الجبهة فقط. Al-Jumhur, donc il voit qu'il est obligatoire de se prosterner sur le front seulement. وأن بقية الأعضاء الأمر فيها مستحب. Il voit que ce qui concerne les autres membres, les mains, les genoux et les pieds, cela est recommandé. Cela est recommandé. Adillatul jumhur, adillatun ghayru sariha. En réalité, les preuves qu'ont utilisées la majorité des savants sont des preuves donc qui ne sont pas claires. Famathalan min adillatihim ma akhrajahu al-imam Muslim fi sahihihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha sajada qala اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Et donc parmi les preuves de Al-Jumhur, il y a le hadith qu'a cité l'imam Muslim dans son sahih selon Ali ibn Abi Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il se prosternait, il disait « Oh Allah, je me suis prosterné pour toi et j'ai cru en toi, je me suis soumis à toi. Mon visage s'est prosterné pour celui qui l'a créé, qui l'a façonné et qui en a tiré sa vue et son ouïe. » Alors, Tabarakallah, Ahsanul Khaliqin. Tabarak, on dit, on traduit comment déjà Tabaraka? Hein? Pour ceux qui se rappellent, Tabarakallah. Est-ce que ça veut dire que Allah soit béni? Hein? Non. Tabarakallah. C'est pas qu'il soit béni, comme certains peuvent dire. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas béni aujourd'hui? Non. Allah tabaraka wa ta'ala, le possesseur de la bénédiction parfaite. Le possesseur de la bénédiction parfaite. Et donc c'est ça tabaraka Allah. Ahsanul khaliqin. Le meilleur des créateurs. Yani, il y a d'autres créateurs que Allah. Il y a d'autres créateurs que Allah. Hein? Mm-hmm. Et donc Allah il crée à partir de rien, ou le bachar, et yani tahwil, voilà. C'est-à-dire donc le bachar, l'être humain, lui là, il va créer, mais l'être humain, ce qu'il va créer, c'est-à-dire il va faire une transformation. Il va créer à partir de choses qui existent déjà. Ça c'est l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala, yakhluqu min adam. Il crée à partir de rien. Il crée ce qu'il veut. Et donc, il y a dans ce hadith, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il n'est donc pas obligatoire de se prosterner sur les autres membres, puisque le prophète, il a dit « Sajjada wajhi, mon visage s'est prosterné. » وَلَيْسَ فِي هَذَا عَدَمُ سُجُودَ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأُخْرَى. Il n'y a pas en cela le fait de se prosterner, le fait qu'il ne faut pas se prosterner sur les autres membres, ou qu'il n'est pas obligatoire. وَإِنَّمَا خَصَّصَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité spécifiquement le visage dans ce hadith-là parce que c'est le membre le plus important et aussi parce que c'est le moment où il était prosterné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le moment où justement on avait déjà dit précédemment que là, le membre le plus important et le plus valorisé par rapport à la prosternation est le visage de la personne. Le visage de la personne. La personne va montrer son caractère faible et humble et soumis pour son Seigneur. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se prosterne pas sur les autres membres. وَأَيْضًا إِسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَلْمُسِي صَلَاتَهُ. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith de celui qui faisait mal sa prière. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dans une narration, dans Sunan Abi Daoud, il dit... فَلْيُكَبِّرْ وَلْيَقْرَ ثُمَّ لِيُمَكِّنْ وَجْهَهُ. Dans une narration, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il fasse le takbir, qu'il lise, et ensuite, يُمَكِّنْ وَجْهَهُ, et donc c'est le fait de poser son visage sur le sol. Poser son visage sur le sol. Ils ont dit, et donc ici, le prophète, il a cité quel visage? وَهَذَا أَيْضًا لَا يُعَارِدُ الْحَدِيثَ الْأَخَرَ. Cela ne contredit pas l'autre hadith qui est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. » Il m'a été ordonné de me prosterner sur sept membres. Et donc il n'y a pas de contradiction ici entre les deux éléments. On ne peut pas donc prendre ce hadith-là et rejeter l'autre hadith dans lequel le prophète il dit « Il m'a été ordonné. » وَقَدْ يَكُولُ قَائِلْ هَذَا خَاسْ بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ أُمِيرَ. Et ça peut qu'une personne nous dise, oui, mais c'est spécifique et propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été ordonné, lui. C'est lui. À ce moment-là, on dit, là. لَا يُكَالْ إِنَّ هَذَا خَاسْ بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ. Et donc, on ne dit pas que cela est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci pour deux raisons. Awalan, annama umira bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته. Premièrement, tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, cela concerne le prophète, a été ordonné, excusez-moi, cela concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela concerne aussi sa communauté. لِأَنَّنَا مَأْمُورُونَ بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ. Car il nous a été ordonné de le suivre. Il nous a été ordonné de le suivre. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Qul in kuntum tuhibbun Allah, fat tabi'uni » dit « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. » Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit aussi « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Il y a pour vous chez le messager d'Allah un bon exemple à suivre. Et spécifiquement dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu, priez. Et donc on ne peut pas dire que cela est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, « Faniyan ja'a fi sahih al-Bukhari umirna an nasjuda ala sab'ati ardhum » Il a été cité dans Sahih al-Bukhari « Il nous a été ordonné », c'est pas « il m'a été ordonné », « il nous a été ordonné de nous prosterner sur sept membres ». Et donc, voilà pourquoi « لِذَلِكَ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَىٰ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مُتَعَمِّدًا بَطُلَتْ صَلَاتُهُ. Voilà pourquoi beaucoup de nos savants, parmi les savants contemporains, ils voient que la personne qui ne se prosterne pas sur les sept membres et de façon intentionnelle, alors sa prière est caduque. Sa prière est caduque. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas correctement fait ce rukn, ce pilier de la prière, la prosternation. Voilà pourquoi l'imam, parmi les savants qui disent cela, on a donc Al-Allama As-Sa'di, rahimahullah. Il donne un exemple. Man rafa'a qadamayhi fi sujud. Exemple, celui qui lève ses deux pieds pendant la prosternation. Et ça, c'est fréquent. Les gens comme ça, ils sont prosternés, le visage, et donc les deux mains, les genoux sur le sol, et ils lèvent les pieds derrière. Les deux pieds sont dans l'air. Les deux pieds sont dans l'air. Ou alors, un pied dans l'air et l'autre pied dessus. Ou alors parfois certains, juste sur le nez, ou d'autres, juste sur le front. Non, il faut les deux en même temps. Le front et le nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité Al-Jabha, il a cité le front et il a montré le nez. Dans une narration, il a dit Wal-Anf. Il a cité le nez dans une narration. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il nous est obligatoire de nous prosterner sur ces membres-là correctement pour que la prosternation soit valide. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.